Dossier 3. Leçon 3. Faire part. Activité 10B. 1. Ta fille Clémence avec cet adorable jeune homme. Quelle bonne nouvelle! Félicitations! Je suis vraiment très heureuse pour toi et pour Clémence. 2. Pas possible! Alors tu es grand-mère maintenant! Et en plus, une petite fille! Mais c'est merveilleux! 3. Oh non! Votre oncle Jacques! Quelle triste nouvelle! Je suis désolé pour vous et votre famille. 4. Encore? Mais ils ont déjà 3 filles! Enfin, c'est une bonne nouvelle! Et je pense que les parents sont contents. La maman, la petite, tout le monde va bien? 5. Oh, elle est décédée hier soir? Non, c'est vraiment triste.